Bonjour. Bonjour, qui j'en ouye? Bonjour, qui j'en ouye? Au revoir. Où aller? Où aller? À demain. À demain si Dieu veut. À demain si Dieu veut.